plaît, j'aime un petit bois. J'aime un petit bois. Si mon mien est gâteau, moi quand ouais ou bien j'aime. Oh oh. Bien chaud et puis croissant moi j'arrive.